Voilà, c'est l'intempestive. À l'époque, si tu veux, la radio, c'était Radio 95, qui était une radio qui était sur Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, tout ce qui était autour du 95, quoi. Ça allait jusqu'à Villiers-le-Bel et... Ah, bah tiens, Villiers-le-Bel, ils en parlent. Hein. C'est une radio locale. Ouais, mais à l'époque, t'avais que des radios locales. T'avais Pif Rouge, qui était sur Radio 93, tu vois, donc qui était aussi un des types qui grenouillait, si tu veux, dans le milieu des radios associatives. Et à l'époque, t'avais peu de radios. Moi, je me souviens, je veux dire, les émissions de radio, elles avaient lieu une fois de temps en temps. Et quand tu faisais, si tu veux, une émission, en fait, t'allais bomber la gare pour annoncer que l'émission, elle avait lieu de telle heure à telle heure, parce que t'avais les flics au cul qui étaient en train de courser. Alors, eux, dès qu'ils étaient au courant, ça devenait une espèce de course-poursuite que tu pouvais avoir, donc il fallait aller relativement vite. Le cas échéant, pouvoir prévoir de changer également d'endroit pour pouvoir pas aller au moins jusqu'au bout des émissions, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'ambiance que tu pouvais avoir lorsque, avant 80, avant la libéralisation des radios libres, quoi. Ça, c'était Eric qui nous parlait du mouvement des radios pirates auquel il a participé avant de devenir animateur de Radio Tomate, puis de Fréquence Paris Pluriel. Parce qu'on poursuit aujourd'hui la série d'émissions sur l'histoire des radios libres en s'intéressant à celle de la deuxième Radio Tomate. La première Radio Tomate avait été créée en 1981, notamment sous l'égide de Félix Guattari, et elle avait duré 2 ans. En 1988, un certain nombre d'anciens décident de refonder la station, et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Eric donc et Marie-Odile. On parlera d'ailleurs de Radio Tomate, mais aussi beaucoup de Fréquence Paris Pluriel, puisque les animatrices et les animateurs de Radio Tomate ont participé à la fondation de FPP en 1992. On revient tout de suite avec Eric qui continue à nous parler de l'époque pirate. C'était des radios associatives, des radios militantes. Tu avais les réseaux militants, les réseaux associatifs d'un coin qui se regroupaient et tu commençais à avoir un petit maillage de gens qui commençaient un peu à bouger à droite à gauche. C'est vraiment, je veux dire, c'était du petit matériel, il n'y avait rien, quoi. Il fallait tout pouvoir transporter rapidement et pouvoir décagner le plus vite possible. C'est vrai que jusqu'en 81, enfin Mitterrand, je veux dire, il n'a rien inventé non plus. Je veux dire, et s'il l'a fait en 81, c'est parce que tout simplement derrière, il y avait une vraie poussée qui était là. Moi, je me souviens qu'on avait à l'époque réfléchi à comment être capable de monter, par exemple, un système de maillage sur Paris de différents émetteurs qui pouvaient émettre tous la même chose, si tu veux, à un moment donné. Pour pouvoir faire une émission et pouvoir quadriller complètement Paris et le début de la région parisienne. C'est-à-dire des petits émetteurs, pas forcément très puissants, mais avec des antennes, avec des émetteurs répartis, si tu veux, dans une dizaine d'endroits sur Paris, ce qui fait qu'un émetteur qui n'est pas puissant, il a quand même suffisamment de puissance autour de l'émission qu'il est en train de transmettre pour pouvoir couvrir, émailler et brouiller l'intégralité, si tu veux. Tu avais des opérations comme celle-là. Le monopole, c'était clair, qui commençait à craquer. L'intelligence de Mitterrand était de voir et de sentir un peu ce truc-là et d'aller faire son coup de pub à radio... Ouais. C'est bien, je veux dire, c'est bien que ce soit fait parce que il y en avait besoin, parce que la vie politique a été complètement sclérosée, le discours politique, il était complètement celui de l'État et celui du pouvoir, et que tu n'avais rien à côté qui pouvait exister. Et que la radio, c'était un outil que les gens sentaient, je veux dire, comme un moyen d'expression. Contrairement à la télé, c'est un outil qui ne réclame pas forcément énormément de moyens, et donc qui pouvait donner la possibilité à des collectifs en se réunissant, si tu veux, d'avoir un média et de pouvoir parler de choses qui les concernaient eux, qui concernaient, je veux dire, la vie que tu pouvais voir un peu partout, aussi bien dans les cités, aussi bien dans les quartiers, dans les associations, dans tout le boulot qui était fait, qui était inexistant au niveau des médias officiels. C'est un outil formidable, la radio. Je trouve que sur les radios associatives, il faut garder, je veux dire, en tête un petit peu cette idée-là pour pas essayer de reproduire ce que les autres font. Il y a une identité particulière, il y a des choses particulières qui appartiennent et qui sont propres aux radios associatives et que les radios commerciales ne pourront jamais copier. Je trouve que ça c'est un petit peu flétri. Ça c'est un peu flétri où je trouve que les gens ne cultivent pas justement assez cette différence et assez cette particularité. Alors c'est vrai, je veux dire que ça fait rire parce que tu as des animateurs qui n'étaient pas des animateurs professionnels, qui ne savaient pas forcément parler dans les micros. La technique des voix, c'était plus que brinque-ballon et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y avait tout ce côté amateur et amateurisme, tu vois, qui pouvait tourner. Je trouve qu'il faut porter technologiquement l'outil pour que ça puisse, de l'autre côté du poste, donner une bonne réception. Mais en même temps, je trouve que la technique, si tu veux, ça ne doit pas remplacer l'essence même de ce pourquoi toi tu fais une radio, qui est pour moi l'essentiel. D'être ce porte-voix, pas forcément, c'est pas quelque chose qui t'appartient, mais d'être le porte-voix de ce qui existe, d'une certaine réalité et d'une réalité qui ne transparaît jamais. Tu vois, moi, si j'avais une radio, à un moment donné, j'aurais bien aimé, par exemple, entendre quand Sarkozy, par exemple, se déplace dans un truc, j'aurais bien aimé aller toper les mecs, tu vois, pour aller discuter après avec eux. Tu vois, j'aurais bien aimé, je veux dire, avoir la possibilité, tu vois, d'aller les chercher, de discuter avec eux, de voir un petit peu véritablement comment ça se passait. Tu vois, c'est ce genre de choses. Et pour moi, la radio, ça reste cet outil-là. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui doit transparaître dans une radio. Alors, c'est vrai qu'on doit quand même, je veux dire, donner un minimum de qualité technique, si tu veux, à ça. Mais la qualité technique ou le professionnalisme, entre beaucoup de guillemets. Mais en tout cas, d'apporter, je veux dire, une espèce de fenêtre sur le monde qui nous entoure, là, ce que les gens, si tu veux, vivent au quotidien et qui transparaît pas, ou alors qui transparaît véritablement, je veux dire, de manière... assez, je dirais, homogène. Quand tu vois, je veux dire, aujourd'hui, comment la presse, en général, si tu veux, se comporte et rapporte, on a l'impression, je veux dire, d'être revenu un peu en arrière avec des gardes-chiourmes, des gardes-chiourmes qui attendent du pouvoir une espèce de reconnaissance, tu vois, de leur discours, de leur manière d'être. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Mmh. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que des radios comme celle-là, il faut absolument, je veux dire, qu'elles continuent d'exister avec leurs petits moyens, avec toutes leurs difficultés, avec tout ce que ça peut avoir, mais que ça continue d'exister simplement pour apporter une espèce de voix différente. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'en reste pas beaucoup, quoi. Ça a été une volonté politique, c'est-à-dire qu'en 80, tu as une grosse ouverture et tu te rends compte que la porte, elle se ferme, mais alors à une vitesse mais énorme, quoi. On répartit nombre de fréquences entre les radios commerciales, entre les radios associatives. Il y a de moins en moins de fréquences sur les radios associatives et donc automatiquement, ça devient de plus en plus difficile. Et l'écrémage, il s'est fait au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que les plus militantes ont pu persévérer, mais c'est dommage parce que c'était au départ un vrai vivier. Il y avait plein de choses différentes. Des choses, si tu veux, qui n'étaient pas forcément toutes dans le même sens, qui partaient peut-être un petit peu à droite, à gauche, mais qui étaient des choses qui apportaient une vision différente, un oxygène différent quand tu ouvrais ta radio, voilà, un oxygène, plus qu'une vision, parce qu'une vision, ça donne une vision politique des choses ou autre. Là, c'était un oxygène différent. Tu pouvais tourner sur la bande FM et tu avais 50 000 trucs, je veux dire, qui t'explosaient la figure. Oui, je pense justement qu'au début, quand il y a eu cette libéralisation, il y avait le choix. Je crois qu'il y avait vraiment un immense espoir aussi d'avoir enfin des outils qu'on puisse approprier, que les luttes sociales puissent être répertoriées, entendues, magnifiées, etc. Et petit à petit aussi, c'est dégagé, évidemment, comme tu disais, la technique et surtout la pression commerciale, quoi. Après, tu as eu tous les projets qui sont arrivés, des radios qui, à l'origine, se voulaient peut-être aussi associatives, etc., ont vite été bouffées par les annonceurs, par les pressions économiques. Et puis, ils ont dû dire oui à la publicité, ils ont dû dire oui à ce qu'on leur imposait. Et finalement, ils ont perdu leur autonomie. Et je crois que l'une des chances de Radio Tomate et après FPP, c'est justement de pouvoir rester indépendant, de pas dépendre que de subventions, de pas dépendre que de l'annonceur un tel qui du jour au lendemain peut te couper l'antenne. Nous, on a été coupé d'antenne, on a été coupé d'émetteurs, on a été coupé de locaux, on a été coupé de tout, mais on a toujours continué. Pourquoi ? Parce qu'on dépendait que de nous-mêmes. Donc nous, à un moment donné, on était simplement dans la salle à manger justement d'Eric, où on enregistrait toutes les émissions de Radio Tomate sur des cassettes, et après il y en a un qui heureusement avait une mobylette et pouvait l'amener jusqu'à Lucrèce pour le mettre dans l'appareil pour que ça puisse être diffusé. C'était vraiment du bric-à-brac. Mmh. Mais je veux dire, pendant ce temps-là, le message y passait. C'était ça l'important. Et effectivement, je reviens tout à fait sur ce que tu disais. Je suis complètement d'accord avec toi que la forme, ça n'a jamais été le plus important. L'important, c'est le fond. Et le fond, c'est quoi ? C'est d'avoir un outil. Et ce qui est d'hyper important aussi, je pense, par rapport aux radios commerciales ou autres, il n'y a pas de pipolisation des animateurs dans les radios associatives. En tout cas, c'est vraiment pas le but. Le micro, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. C'est simplement un outil qui est utilisé par un collectif, par un groupe de militants, par des gens qui en ont besoin à un moment donné, qui ont des choses à dire. Ce n'est pas un animateur qui a une émission, mais c'est l'émission qui appartient à tout le monde. Et ça, c'est très important, je pense. Toi, tu avais fait partie du mouvement des radios libres ou pas? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu parler de la première version de Radio Tomate en 81. C'était au moment de l'élection présidentielle, quand Coluche organisait des grosses soupes populaires place de la Contrescarpe. Et c'était juste à côté du local de Radio Tomate de l'époque. Bon, j'ai visité les locaux, etc., mais je ne connaissais pas encore très, très bien. Et j'étais avec d'autres groupes qui faisaient d'autres choses. On n'était pas du tout là-dessus. Mais j'ai connu, effectivement, après, j'ai été appelée pour la deuxième version en 88 de Radio Tomate. Mais je pense que ce qui a permis à l'ancienne Radio Tomate, la celle d'après, FPP, etc., de perdurer, c'est que les gens restent fidèles à leur projet. Et ça, je pense que c'est cette niaque qu'il faut vraiment garder et continuer à défendre. Parce qu'effectivement, avoir une autre voix maintenant sur l'antenne, c'est de plus en plus difficile. On pensait qu'il allait en avoir partout, des radios associatives, qu'il allait y avoir des radios locales, des radios machin, machin. Et quand tu fais le compte, effectivement, tu peux aussi avoir des antennes où tu as 8 heures de musique. C'est pas là où il y a un discours qui passe à ce moment-là. Et aussi, je pense, ce qui est important, c'est la légitimité de l'antenne. C'est-à-dire que les gens qui prennent la parole doivent aussi représenter d'autres gens. C'est pas quelqu'un qui pense que, tiens, moi je pense aujourd'hui ça, je vais vous en parler. Je pense qu'il faut l'importance du collectif et de l'associatif, c'est justement d'être un peu des porte-parole d'un mouvement et de ne pas représenter soi-même, mais représenter le mouvement. Et c'est ça qui est important, la radio est un outil pour un mouvement. Toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, et après les Berruriers Noirs, on revient avec Marie-Odile et Eric, avec qui on était en train de discuter de l'histoire de la deuxième Radio Tomate. Bon, alors on revient là, un peu à la chronologie. Ouais. Bah, la chronologie, c'est un peu éparpillé là. Hein. Ouais, bah, on va revenir au début de ce qu'on fait un peu l'histoire de Radio Tomate. Avec vous, ça va être l'histoire de la deuxième Radio Tomate. Ah, parce que la première, ouais. Ah, voilà, la première, c'était en 80, je crois que c'était 80-81. Tu vois, journal officiel, là j'ai la date 13-1-81. Au JO Tomate. Et la deuxième Radio Tomate, donc pour laquelle vous avez été recontactés tous les deux, c'était 88, ouais. 88, voilà. Alors, qui est-ce qui vous recontacte à ce moment-là? Qui est-ce qui remonte ce nouveau projet de Radio Tomate et qui va se fédérer autour de ce projet? Au départ, si tu veux, tu as une personne qui s'appelle Lionel Rousseau, si tu veux, qui continue, qui était dans le... Qui faisait partie de la première équipe. Qui faisait partie de la première équipe, si tu veux, de Radio Tomate, qui relance le projet, qui se fédère avec d'autres radios. C'est lui, donc, qui, au départ, si tu veux, repart et recontacte un certain nombre de collectifs qui militaient sur des sujets relativement divers et variés, qui étaient la situation dans les prisons avec Parloir Libre, qui était une émission sur le chômage et la précarité qui s'appelait Extrême. Extrême Limite, qui était une émission culturelle. Il y avait 5 émissions au départ. Voilà, cinq émissions qui sont formées en tant que radiotomate. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment de 88, il y a eu une nouvelle redistribution des fréquences par le CSA. Voilà. Et donc, a été proposé à Radiotomate, à ce projet Radiotomate, une petite partie d'émissions avec un autre groupe. Alors, comment ça fonctionnait ? Radiotomate s'est créée. Elle s'est associée avec 4 autres personnes. C'est vraiment très compliqué parce que c'est des portions d'antennes. En fait, le CSA a été très généreux, a distribué l'antenne, le 106.7 à l'époque, en 2 parties, qui étaient Radio Paris, qui avait à peu près 80 heures de diffusion, et l'Union Lucrèce. L'Union Lucrèce a été composée par 4 collectifs, dont le 4e était Radiotomate. Et Radiotomate s'est constitué donc à partir de l'ancienne Radiotomate, d'un des animateurs de l'ancienne Radiotomate, qui a récupéré et rassemblé autour de lui le projet de 5 émissions, qui étaient donc Extrême Limite, qui travaillait sur le chômage et la précarité, Parloir Libre, qui travaillait plus sur les prisons, Constroy, qui travaillait sur la musique. Plus tard, c'est associé après La Double Peine, qui est arrivé aussi 2-3 mois après le collectif Comité de la Double Peine. Il y avait également comme émission une émission Poévie sur la poésie, et Les Fragments de la Nuit, qui étaient donc des rencontres, des portraits de gens, ou bien des émissions de cinéma, etc. Donc bref, toujours est-il qu'on n'avait pas beaucoup d'émissions, puisqu'on n'avait pas plus de 15 heures d'antenne. On émettait le samedi après-midi et le dimanche après-midi, et le reste du temps était soit pour les autres composantes de l'Union Lucrèce ou pour Radio Paris. Et en 15 heures, il fallait que on puisse transmettre la voix de tous les mouvements sociaux, enfin ce qu'on espérait en tout cas à l'époque faire. Donc on a commencé à émettre dans le 13e, dans un ancien garage qui avait été aménagé, qui était rue Campo Formio. Et après, on a eu plusieurs petits locaux. Après, on est descendu dans les sous-sols, on est monté dans les étages, etc. etc. On a été expulsés de l'antenne, expulsés pour des problèmes d'inondation, expulsés nombre et nombre de fois. Comme ça continue toujours avec les radios associatives, il y a toujours de la précarité. Et ça continue toujours sur FPP, je crois. Mais nous avons tenu le choc. Et de 89, de début janvier 89 à 92, Radiotomate était sur les ondes. Et en 92, Radiotomate a rejoint le projet FPP. D'ailleurs, il y a toujours les émissions Constroy, c'est toujours là. Parloir Libre, c'est devenu L'Envolée. Voilà, bien sûr. Ouais. Mais je pense que toutes les les émissions qui étaient déjà à l'antenne représentaient déjà des associations ou des lieux de lutte qui peuvent se retrouver dans toutes les antennes encore maintenant. Je veux dire, tout ce qui est le chômage, la précarité, l'immigration, les expulsions, la musique, etc., ont encore le droit d'antenne maintenant. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, ces collectifs soient restés, ont évolué, bien évidemment, que même si c'est pas le même nom, en tout cas, la lutte est toujours là. Et Radiotomate a été particulièrement liée au mouvement autonome. Alors, la radio des autonomes, c'est vraiment aussi caricaturé parce qu'il y avait aussi d'autres choses. Et d'un autre côté, on a essayé aussi traiter de radio terroriste. Il faut aussi le dire qu'à un moment donné, on était quand même en procès pour ça et on a quand même gagné. On a été traité de radio terroriste qui mettait en péril la démocratie parce qu'on donnait la parole à des gens qui normalement n'avaient pas l'antenne normalement. Donc effectivement, c'était une radio de mouvement et de gens qui militaient dans des associations. Ce que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas la radio des autonomes, c'était des collectifs militants qui se sont retrouvés sur un même outil. Non, il se trouve si tu veux que les gens qui ont participé au départ à cette radio et qui, aussi bien les fondateurs d'ailleurs que les collectifs d'émissions qui étaient au début de l'histoire de cette radio-là, si tu veux, pour certains, ça c'est leur histoire, si tu veux, sont issus du mouvement autonome, ouais, c'est vrai. Hein. Mm-hmm. Ouais, bien sûr. Le truc par rapport à ça, l'histoire des collectifs et l'histoire des gens, si tu veux, elle est ce qu'elle est. Quand tu montes un projet de radio comme celui-là, tu ne peux pas te cantonner à une image telle que celle-là, ou en tout cas même à un discours, si tu veux, tel que celui-là. Il doit être présent, mais il doit être également beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter d'avoir simplement, si tu veux, que des collectifs de lutte. Ils doivent être présents, parce que justement, tu les entends nulle part autre part. Une émission comme Parloir Libre, par exemple, a vraiment une particularité et une spécificité, si tu veux, que tu ne retrouveras nulle part ailleurs sur la bande FM. Peut-être sur Radio Libertaire, parce qu'il y a d'autres émissions, si tu veux, de ce type. On pourrait dire qu'il y a quelques parallèles qui pourraient être faits, je veux dire, dans la conception même qu'eux peuvent avoir des radios et que nous, on avait aussi. C'est-à-dire de donner la parole, si tu veux, à des collectifs qui sont militants, dont, en effet, ces collectifs-là, dans leur histoire, si tu veux, étaient passés par le mouvement autonome. Oui, c'est vrai, bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très fier, je veux dire, de ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais. D'accord. Mais ce n'était pas une radio qui faisait peur. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas autonome que tu venais pas à la radio. Voilà. C'est d'accord. Surtout ça, l'important. L'idée, c'est ça, si tu veux. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu parles d'émissions qui ensuite... nous, par exemple, on a laissé tomber, je veux dire, l'émission. L'émission, elle ne t'appartient pas. Elle est pas. La radio, elle n'est pas une propriété. Elle n'est pas une personne. Ce n'est pas une propriété en soi. C'est un outil, ça reste un outil. Et moi, je suis très content, si tu veux, lorsque, par exemple, j'ai arrêté, par exemple, de faire de la radio et on travaillait à l'époque sur l'émission Constroy. Moi, je suis très content, si tu veux, qu'il y ait des gens qui, derrière, aient repris le flambeau, des gens qui n'avaient pas forcément, je veux dire, la même histoire que nous, qui n'avaient pas vécu forcément les mêmes choses, mais qui, en effet, je veux dire, sur cette dynamique-là, sur ce que l'émission pouvait proposer et sur la manière dont elle abordait le sujet de la culture et autres, eh ben, j'étais très content qu'à un moment ou à un autre, des gens soient venus, se soient intéressés, sont restés avec nous le temps de se former, le temps de reprendre en main, si tu veux, l'intégralité des outils, et aient pu continuer cette émission-là. Moi, je suis très, très content de ça. Là, l'émission, elle ne m'appartient pas. Je veux dire, la radio, elle ne m'appartenait pas, pas plus que ça. Je suis aujourd'hui très content que toi, tu bosses à l'intérieur, si tu veux, et que des gens continuent justement cette expérience-là. Les choses sont ce que les gens en font au moment où ils le font. C'est pas plus que ça, si tu veux. Et donc, à l'outil n'appartient à personne. Ça appartient, en tout cas, dans l'idée, je veux dire, telle que nous, on l'avait montée, on avait besoin, je veux dire, d'un outil comme celui-là pour, en effet, avoir une espèce de haut-parleur de choses qui existaient et qui étaient présentes, parce que ces collectifs-là, eh ben, ils travaillaient, je veux dire, déjà bien avant la radio. C'est pas la radio qui a fait que les collectifs ont commencé à travailler sur des thématiques comme la prison, comme le chômage ou comme la culture. C'était des choses qui existaient déjà. Tous les gens, si tu veux, qui sont arrivés sur la première mouture avaient déjà une expérience de vie associative, de vie politique, et ainsi de suite. Donc, moi, c'était pour moi, si tu veux, une espèce de caisse de résonance, d'amplificateur de ce que pouvait être le travail que tu pouvais mener. Moi, je me souviens, à l'époque, je veux dire, sur les collectifs de chômeurs, par exemple, de faire venir des gens complètement différents, qui pouvaient être le chômeur lambda, qui avait un problème, je veux dire, sur telle et telle problématique, ou le chercheur qui avait écrit, je veux dire, sur un sujet, qui avait étudié des thématiques particulières, toutes ces choses-là, si tu veux. C'était de donner cette espèce de foisonnement et d'avoir une voix qui était un petit peu différente. D'avoir une voix différente, si tu veux, sur les ondes. C'est tout, c'est pas plus que ça. Et donc, l'outil, il t'appartient pas en tant que tel. C'est pour ça, j'aimerais juste lire un paragraphe qui définit un petit peu le projet d'origine de Radio Tomate. C'est juste très, très rapide et je crois que ça synthétise bien. C'était donc « Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, exclus, minoritaires, en lutte, en marge, avec une priorité aux expressions collectives. C'est cela l'espace Radio Tomate. Écouter, comprendre, analyser, agir. » Lorsque les détenus se révoltent à la centrale de Saint-Maur, lorsque les chômeurs chômeuses s'organisent pour un revenu garanti, lorsque des familles entières jetées à la rue luttent contre les expulseurs, lorsque des musiciens musiciennes jouent en dehors des circuits Afrique, lorsque des expulsés refusent de prendre l'avion et crient non à la double peine, lorsque des amoureux du 7e art nous débobinent la pellicule, lorsque la guerre, lorsque les pierres, lorsque les révoltes dans les ghettos, Radio Tomate se fait porte-voix pour donner un écho à ses paroles, vous les faire rencontrer et au-delà créer, renforcer un réseau conjuguant toutes les initiatives de ceux qui ne plient pas. Voilà. Je veux dire, quand tu as dit ça, je veux dire, tu as à peu près l'idée globale de ce pourquoi cette radio-là, si tu as été montée. Et les gens qui, au départ, ont créé, ou en tout cas ont fait en sorte, si tu veux, que cette radio puisse exister, c'est avec cette idée-là, si tu veux, qu'ils ont voulu avancer. Voilà, c'est ce qui explique aussi peut-être que les égos personnels surdimensionnés n'avaient pas leur place, si tu veux, dans ce genre de choses. Tu en rencontres beaucoup dans le monde associatif et c'est bien, je veux dire, que dans ces espaces-là, ils n'avaient pas leur place parce qu'il y avait quelque chose de plus important que ça. Et puis quelque chose qui est aussi très important au niveau de la radio et surtout au niveau de l'impact radiophonique, c'est que pour nous, jamais une émission n'a été 20 minutes entre deux coupures de pub. L'important, c'était la plage horaire, donner le temps de prendre la parole, de donner la parole aux gens, le temps d'analyser, etc. Et donc, aucune émission ne pouvait durer une demi-heure. C'était minimum une heure et demie, deux heures, pour avoir le temps de laisser aux gens le temps de s'exprimer vraiment ouvertement et librement. Les gens pouvaient faire leur programmation, les gens étaient dans leur émission, c'était leur émission. Et pour cela, il n'y avait personne qui allait te dire « Attention, dans 10 minutes, il y a tel pub qui est là, etc. » Donc l'importance aussi de la plage horaire a toujours été revendiquée. On a toujours refusé de faire 15 émissions à une demi-heure. Non, il vaut mieux en avoir 7 d'une heure que 15 d'une demi-heure où tu as le temps de rien dire, quoi, finalement. Ça s'est retrouvé d'ailleurs sur la grille de FPP aujourd'hui. De FPP, tout à fait, on a toujours demandé ça. Long, et dans une grille qui est justement non formatée, ça te permet aussi d'avoir, par exemple, ce qu'on avait dès le départ de Radio Tomate, c'était le magazine Tomate, qui avait lieu tous les dimanches soirs après Parloir Libre, où c'était une heure ou deux heures qui était libre de thème. Je veux dire, c'était le magazine de la rédaction de Tomate. Et s'il y avait un thème d'actualité, si des gens avaient une émission, un sujet à proposer, etc., tu peux avoir une passerelle d'animateurs de plusieurs émissions qui se réunissaient autour du thème du jour, où il n'y avait rien de figé. C'est-à-dire, tout pouvait être abordé dans cette émission de magazine. Et c'était quelqu'un de l'émission de Extrême Limite, comme de Parloir Libre, pouvait monter un projet, etc. Il n'y avait pas de souci, quoi. Et ça, d'avoir une plage horaire libre sur une radio, je pense que c'est important. Parce qu'il peut arriver n'importe quel mouvement social à un moment donné. Tu n'as pas besoin de déprogrammer non plus des émissions. Tu as cet espace qui est là, à l'antenne, que tu peux utiliser pour le direct, pour l'actualité. Mm-hmm. Ouais, quand tu vois aujourd'hui comment l'information est traitée en général. Et formatée. Ouais, formatée ou pas formatée, j'en sais rien, je veux dire. Mais en tout cas, la manière dont elle est... quand toi, tu es de l'autre côté du poste, si tu veux, et que tu écoutes un petit peu ce qui se passe, t'es dans une information, si tu veux, qui est clippée presque. C'est-à-dire que on t'envoie, si tu veux, comme ça, des choses. Si je te demande deux jours plus tard ce qui avait été dit ou ce qui avait été fait, je suis pas sûr, si tu veux, que t'aies gardé en tête... de par ce bombardement d'informations comme il est, en tout cas de la manière dont il est traité, si tu veux, je suis pas sûr que t'aies gardé en tête ce qui véritablement a pu être dit ou ce qui a pu arriver et ainsi de suite. Donc prendre le temps, je veux dire, de décortiquer les choses, prendre le temps de d'avoir à la fois le recul, mais en même temps de laisser le temps à la parole. Il faut voir que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'un micro, n'ont pas forcément l'habitude de parler dans une radio et d'être invité dans une radio. Donc les gens qui venaient, si tu veux, c'était pas des animateurs professionnels, c'était pas des gens du spectacle, c'était pas des gens qui avaient des choses à vendre, c'était des gens qui vivaient des choses et donc qui se retrouvaient un peu bombardés comme ça. Donc prendre le temps aussi de mettre les gens, si tu veux, dans un contexte où ils arrivent à raconter ce qui leur arrive, où ils arrivent à raconter exactement ce qui se passe, et de le faire comprendre aux personnes qui sont de l'autre côté, si tu veux, de l'antenne, c'est carrément essentiel. Quand tu vois une campagne présidentielle, comme on en a eu une, où pratiquement, si tu veux, en gros, là, on a fait de la pipolisation et du marketing, c'est-à-dire que j'ai l'impression, si tu veux, d'avoir une campagne de pub pour savoir qui l'avait le plus blanc. Voilà, quoi. On est à l'opposé de ce genre de choses. Et c'est ça qui nous laissait aussi une certaine liberté, parce que je me souviens très bien dans une des premières émissions de Constroy, à un moment donné, où on avait voulu inviter le début de Monsieur Rock du ministère de la Culture. Il y avait un Monsieur Rock qui avait été nommé au ministère de la Culture à cette époque. Et on a invité, nous, complètement innocemment, quelqu'un qui venait nous parler d'un projet de festival, etc., etc. Et qu'il a commencé à nous ressortir qu'il travaillait avec ce ministère de la Culture, qu'il avait certaines exigences, qu'il avait certains trucs. On l'a vidé du studio, parce qu'on n'avait pas envie d'entendre son discours à l'antenne. Alors effectivement, ça nous est arrivé qu'une seule fois, parce que là, on avait été pris un peu au dépourvu, mais on était prêt à discuter avec lui au micro, hein, sur ses positions. Mais lui, à un moment donné, n'a pas supporté nos positions, nous, on n'a pas supporté les siennes, c'est lui qui est parti du studio. Et ça, c'est vrai que dans une radio associative, tu peux te le permettre, ce que tu peux peut-être pas faire sur une autre radio, quoi. Mm-hmm. C'est important, cette liberté. C'est, oui, voilà, mais les gens peuvent se dévoiler par moment. Au travers d'une ou deux réflexions, tu dis, tiens, c'était pas prévu. Il y avait un truc aussi qui était pratiqué sur Radio Tomate et qu'on pratique toujours sur FPP, c'est le lien avec les manifs, par exemple. Le fait d'aller en manif, de faire... Du son. voilà, non seulement du son, quoi, mais donner la parole aux gens directement sur les manifs, etc. Bien sûr. Alors, tout en sachant qu'on n'avait pas les moyens de FPP maintenant. Parce que là, on voit quand même qu'il y a des... Alors, FPP est en difficulté, il n'y a pas de problème. mais les tables de mixage, il y a quand même tout petit peu de matériel mieux, qui monte, mieux, et tant mieux, mieux, et tant mieux, qu'il y a plus de matériel qu'on pouvait avoir à l'époque. Parce qu'effectivement, les petits baladeurs, etc., pendant l'époque, c'était extraordinaire, telle radio cassette, etc. Mais effectivement, donner la parole, tu peux toujours donner la parole, quels que soient les moyens que tu as, un micro peut suffire, et le téléphone, et on arrivait à donner la parole aux gens. Et du je pense coup, que c'est important. Vous étiez 5 émissions, ça veut dire qu'il y avait, il y avait combien de personnes, en gros, qui s'activaient autour de Radio Tomate? Ben, au début, il y avait 25-30. Après, je vois le premier compte-rendu, début de 90, enfin 89, pardon. On était, quand on a décidé. Une quinzaine, et c'était 15. Et après, ça a été très exponentiel quand même, parce qu'on est arrivé jusqu'à 70 à un moment donné. Parce que après, ça s'est étoffé quand même. Une fois que tu as l'outil en tant que tel... Après, l'étoffer, c'est déjà beaucoup plus facile. Ce qui est beaucoup plus difficile au départ, c'est quand tu n'as pas forcément, si tu veux, un outil qui est adéquat. Et donc, c'est de tenir pour pouvoir le construire au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'au départ de la construction, ouais, il n'y avait pas grand monde, je veux dire, dans le collectif dans les collectifs qui ont participé à la construction. Mais ça, c'est normal, je dirais que c'est... Et puis la difficulté, effectivement, aussi, c'est d'avoir une émission de radio. Ça veut dire être là ponctuellement toutes les semaines ou enfin, à date fixe. Et effectivement, pour des mi-temps qui sont sur des associations, des choses comme ça, ils n'avaient peut-être pas non plus le temps à dégager. C'est aussi, quelque part, une contrainte. Autant c'est un plaisir, c'est important de le faire, mais dans ton emploi du temps d'organisation de petites associations, c'est pas non plus évident d'avoir toujours un animateur ou deux de près, un technicien. Mais surtout si vous étiez 15 ou 25. Ah bah il y en a un qui se payait la technique pour tout le monde, hein. C'était très souvent comme ça. Le fait de militer pour faire de la radio libre, ça devait être beaucoup plus présent que... Parce que là, tu vois, quand on fonctionne sur une radio avec une centaine d'émissions, après les choses sont plus distantes. Oui. Quoi. Les gens viennent pour leur émission. Complètement. Sur Radio Tomate, je suppose. Ah bah après, on participait presque aux émissions de tout le monde, quoi. Je veux dire, effectivement, on était tous souvent, vu qu'on avait le samedi et le dimanche, on était tous là les 15-20, très souvent pendant les émissions, on se voyait très souvent. Et surtout, on pouvait compter aussi que sur nous-mêmes, et surtout aussi sur nos parrainages, etc., mais pour se faire entendre. Donc, quand il fallait distribuer des tracts ou faire des fêtes de soutien, etc., on mobilisait tout le monde. Ça, c'est sûr que tout le monde a tenu la buvette, a téléphoné pour avoir des enceintes, trouver une salle, etc. Tout le monde est mobilisé. Et effectivement, dans une grosse radio où tu as 100 émissions, 200 animateurs, y en a qui peuvent effectivement se sentir moins concernés par le vécu associatif de la radio, en tout cas les contraintes qui font que si ça ne viendra pas tout seul, il faut que tu le fasses. Tandis que là, on sait qu'on était peu nombreux, on était obligés de tout faire, quoi. Mmh. Tout le monde faisait tout, ça c'est sûr. Et effectivement, il y a eu des moments quand même de lutte, parce que Radio Tomate a été menacée plusieurs fois. Bon, outre les problèmes internes de la radio, parce que c'est pas évident non plus que d'avoir un CA qui soit déterminé du premier coup, une réunion d'animateurs qui se passe bien du premier coup. Il faut quand même quelques mois pour qu'une équipe se dégage. Hein. Mais en dehors de notre équipe de Tomate, on a surtout été attaqués par les autres qu'on gênait, quoi. Je veux dire, des gens qui voulaient notre antenne, ou des gens qui avaient des projets commerciaux derrière, des gens qui avaient aussi des projets politiques sur cette antenne, parce qu'on a été quand même sollicité par des gens qui avaient quand même peut-être envie de s'exprimer au nom d'un parti, au nom d'un mouvement. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils s'intéressaient à un groupe de collectifs, quoi. Donc tous ces gens-là, il a fallu aussi un petit peu leur dire que ce n'était pas leur outil. C'était l'outil de tout le monde, mais pas le leur, surtout. Et donc ça s'est traduit par ça peut aller à l'occupation, ça peut être une intervention dans un meeting, ça pouvait être une manifestation. On s'est bâillonné, on a fait plein de choses, on s'est fait entendre comme on pouvait, quoi. Mais on a eu du soutien. On a eu du soutien parce que c'était légitime, parce que c'était vraiment nécessaire qu'une radio comme ça existe sur Paris. Quand on voit à Paris le nombre d'habitants, le nombre de combats qui se passent, le nombre d'associations, de gens qui bougent, que ce soit culturel, social ou autre, et qu'on voit le peu d'antennes qui existent, tu te dis mais c'est affolant, c'est affolant. Moi je crois que ça a été une vraie volonté, cette ouverture en 81, c'est vite refermé, quoi, c'est tout. Ouais. Très très vite, si tu veux, les institutions, notamment le CSA et autres, se sont ressaisies et qu'en effet, la part réservée aux radios associatives, elle s'est restreinte de plus en plus. Donc il y a eu de moins en moins de fréquences libérées pour les radios associatives. Il y a eu, parce qu'en effet, il y avait un choix du commercial qui avait été fait, parce qu'il y avait énormément d'argent, parce que la radio, ça rapporte énormément d'argent. Alors voilà, toi, plein de choses. Les radios drainent de l'argent, mais pas pour les radios associatives. Ça c'est a toujours été la misère. J'ai retrouvé encore un relevé de compte de tomates où on avait réussi enfin à avoir 1500 francs sur le compte. C'était extraordinaire, quoi, parce que tout le monde participait, chacun cotisait pour pouvoir faire vivre la radio. Bon, on avait très peu de matériel, c'est sûr, à payer, mais potentiellement, c'est vrai que nous, on prenait un créneau qui intéressait énormément de gens. Mmh. Je crois que la force de cette radio, ça a été d'aller chercher, si tu veux, les soutiens nécessaires, d'avoir un projet qui était plus ou moins cohérent dans son ensemble, et à la fois dans sa diversité et dans son ensemble. C'est-à-dire que les gens étaient différents, mais en même temps, globalement, si tu veux, ils allaient à peu près tous dans le même sens. C'est-à-dire que l'idée générale de ce que Mario, par exemple, a pu lire tout à l'heure à l'antenne, c'était vraiment ça, et d'aller chercher à l'extérieur ensuite, si tu veux, des soutiens qui nous ont permis, en effet, d'exister. C'est-à-dire d'avoir suffisamment de pression ou suffisamment de liens avec, même avec des institutions, parce qu'à un moment ou à un autre, t'es obligé d'aller discuter avec ces gens-là pour obtenir une fréquence, pour un ensemble de choses qui font que la vie des radios, elle est régie, si tu veux, par des autorités, par des organismes, par un tas de choses. Donc ça a été la force, ça a été aussi de trouver des gens, si tu veux, qui à un moment ou à un autre ont pu être des relais, ont pu nous appuyer, ont pu apporter des cautions morales, ont pu soutenir, si tu veux, l'intégralité de ce projet-là. Et je pense que ça, c'était aussi, ça a été la force un petit peu de Fréquence Paris Pluriel, à savoir qu'elle avait derrière elle, de part aussi de passé militant des gens qui ont créé cette radio-là, elle avait cette capacité, je veux dire, à mobiliser aussi bien sur le projet, mais également beaucoup plus largement des gens, si tu veux, qui avaient une vision de l'information, du droit de la liberté de parole, si tu veux, des individus, qui faisait que on a réussi en mélangeant un peu tout ça à faire une alchimie qui a donné que le projet a continué et a pu continuer. Sinon, c'est vrai que tu te bats des fois, c'est relativement difficile parce que tu es confronté à des machines de guerre. C'est des machines de guerre économiques, c'est des mecs qui partent à la guerre, quoi. Parce que c'est leur pognon. Il n'y a qu'à voir combien de radios commerciales sont fait racheter en réseau, par exemple, à une époque, si tu veux, comment toutes les radios commerciales qui, même fonctionnant sur ce système-là, se sont retrouvées, si tu veux, rachetées par des grosses filières. Et donc, face à toi, si tu veux, tu te retrouves avec des gens qui font des pressions pour avoir des fréquences, et toi, tu n'as plus de fréquences, quoi. Donc, des radios associatives, elles pouvaient exister en tant que telles, mais comme il n'y avait plus de fréquences, il a fallu à un moment, il y a eu de l'écrémage qui a été fait, ce qui explique aujourd'hui le peu de radios associatives que tu as sur la bande FM. Et là, le comble aussi, par exemple, moi, je vois pour l'émission Constroy, où au bout de quelques années, bon, sur Fréquence Paris Pluriel, Énergie est venue proposer à Constroy de faire une émission sur Énergie. Et là, je crois qu'ils avaient mal lu notre projet, parce qu'effectivement, on représentait plein de groupes, parce qu'il y avait énormément de choses qui se passaient sur la scène rock alternative de l'époque, et on avait énormément de groupes qui passaient dans notre émission, et pendant 2 heures, ils avaient le temps de s'exprimer, surtout de jouer en live dans le studio, de faire des concerts avec nous, etc. Donc, on représentait quand même quelque chose, et Énergie nous a téléphoné pour venir faire une émission chez eux. Et là tu dis, ils n'ont pas compris l'histoire, ils n'ont rien compris, quoi. Et effectivement, on est effectivement le pot de terre, le pot de fer, etc. Mais nous, on reste dans notre catégorie et Énergie ne nous intéressait pas. Énergie, c'était des grands habitués. Certainement pas. Ils ont vachement utilisé des Ils regardent les concepts qui marchent. Ils regardent les concepts qui marchent, évidemment. Évidemment. Mais il y en a plein. Quand tu regardes des radios, même des radios comme RTL ou autres, si tu veux, elles ont pompé au milieu des radios libres énormément de concepts. La manière même de parler à un micro, si tu veux, de t'adresser à une personne ou de concevoir un module d'émission, c'est clair, si tu veux, qu'avant 80 et après 80, c'est plus la même chose, même pour ces gens-là. Parce que, justement, les radios associatives étaient là. Alors, les gens pouvaient, en effet, s'exprimer difficilement, faire des émissions avec des élastiques et des bouts de ficelle. Seulement, ils ont quand même été écoutés, si tu veux. Et à un moment ou à un autre, on s'est rendu compte, c'est vrai, que au niveau des concepts, ils avaient été à la pêche. Alors, quand tu as beaucoup plus de moyens, après, ça donne quelque chose de différent. Mais c'est clair qu'à un moment ou à un autre, tout ça, c'est confronté. Et que je pense que le milieu des radios associatives n'y a pas forcément gagné en tant que tel. Parce qu'en même temps, il était divisé, parce qu'il n'y avait pas d'homogénéité, il n'y avait pas de vision particulière, si tu veux, de ce qu'était la radio associative en général et autres. We'll be right back. ça, c'est pas un indicatif qui vous donne envie d'écouter Constroy tous les dimanches à 18h, on sait plus quoi faire. Vous êtes donc toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'intempestive et on poursuit l'émission sur l'histoire de la deuxième Radio Tomate avec Marie-Odile et Eric. Vous bossiez avec d'autres radios à ce moment-là. Vous étiez proche de certaines radios libres de l'époque, de la deuxième époque de Tomate. Nous, on a été plus en réseau. Après, c'était au niveau de Fréquence Paris Pluriel. L'émission Constroy a créé un réseau avec les émissions rock de la région parisienne. On avait créé notre petit réseau. On était 7-8 émissions de radios associatives différentes. Mais moi, personnellement, avant Radio Tomate, non, je j'avais pas participé mais à d'autres émissions. Radio Tomate, en tant que telle, était proche de certaines radios ou il n'y avait pas tellement de... Il y avait quand même des gens qui, par exemple, quand Tomate a été interdite d'antenne, on peut quand même reconnaître que Libertaire a proposé de nous héberger. Absolument. Donc il y avait quand même des champs communs, il y avait des affinités, il y avait ça, des choses quand l'émission Extrême Limite, si tu veux, au départ, quand elle a été créée, on a créé le concept de l'émission d'Extrême Limite, il y avait pas, ça n'existait pas, je veux dire, il n'y avait pas ni Radio Tomate, ni quoi que ce soit. Donc, quand on a créé ce concept-là, si tu veux, nous, on a été animateurs et Extrême Limite a été diffusé sur Radio Libertaire pendant 2 ans. Et on a été, à un moment donné, on était même en doublon à la fois sur Libertaire et sur Fréquence, sur Radio Tomate, puisqu'à l'époque, c'était l'Union Lucrèce et donc c'était Radio Tomate. Mmh. Et donc, on était, si tu veux, en doublon à la fois sur les deux. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas eu de... Pour nous, en tout cas, si tu veux, il n'y avait pas de... D'a priori, il n'y avait pas de problème, si tu veux, en soi. Visiblement, pour les gens de Radio Libertaire, il n'y en a pas eu non plus. D'accord. Ouais, bien sûr. Et chapeau à eux, d'ailleurs. Moi, je voulais juste aussi souligner qu'on était aussi à une époque où il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses parce que, bon, au niveau du rock, par exemple, c'était tout ce qui est le mouvement rock alternatif. Il se passait énormément de choses sur Paris, les squats, etc. Les ateliers d'artistes pour ce qui est la culture. Et puis alors, l'émission Extrême Limite, c'était le début aussi du mouvement des chômeurs. C'était aussi les chômeurs qui commençaient à s'organiser. Au niveau de l'immigration, c'était le début, le premier comité contre la double peine qui s'est monté, qui est devenu aussi après le MIB. Donc, dans tous les sens aussi, il y a des choses qui se structuraient, qui arrivaient, qui militaient, qui bougeaient. Et c'est vrai que ça nous donnait une force incroyable, ça. Parce que il y a le droit au logement qui aussi est arrivé à ce moment-là. Donc, sur tous les fronts, il y a vraiment des choses qui commençaient à vraiment s'organiser. Et l'outil radio est arrivé au bon moment pour nous tous. Hein. Quoi, c'était cette Radio Tomate, enfin, cette deuxième version de Radio Tomate, et a été le témoin vraiment de grosses mutations, enfin, je pense, au niveau de l'organisation des luttes. Tu vois, c'était des choses qui apparaissaient et qui sont encore là maintenant, quoi. Mmh. Ça a pu permettre de structurer certaines luttes. Ouais. Je le pense. Bien sûr, ouais. Là-dessus, oui. Est-ce que, si on revient à cette antenne que vous partagiez là, vous aviez aucune relation avec les autres radios avec qui vous deviez partager l'antenne, ou il n'y avait aucun accord politique, ça a été fait de manière purement arbitraire Le regroupement était complètement arbitraire. C'est le CSA qui a donné une demi-part de l'antenne, si tu veux, à Paris, et l'autre demi-part à Lucrèce. L'Union Lucrèce s'est fait pour des besoins de se regrouper pour pouvoir avoir droit à cette demi-fréquence, mais c'était pas des affinités à l'origine très très fortes. Je crois que c'était plus sur le projet d'un outil radio qu'on s'est mis ensemble, mais on n'a pas eu énormément d'affinités avec Palmer ou les autres. On a fait des choses en commun, bien sûr, mais on n'a pas partagé énormément d'expériences. Bah, c'était, si tu veux, je crois qu'à ce moment-là, quand les fréquences se sont restreintes et que, en effet, le CSA a donné donc une moitié d'antenne à l'Union Lucrèce et une moitié d'antenne à Radio Paris. C'était, je dirais que pour l'Union Lucrèce, ça a été plus de « il faut qu'on ait une radio », quoi. Mais savoir pourquoi cette radio devait exister, à travers quoi elle devait exister, sous quelle forme elle devait exister, ainsi de suite, il n'y avait pas forcément, si tu veux, d'homogénéité. Il y avait des gens qui se connaissaient les uns et les autres, et qui, à partir de là, si tu veux, se sont dit « bon, ben, pour nous, c'est marche ou crève », quoi. C'était pas plus, quoi. Mais il n'y avait pas de vision ni d'échange. Il n'y a pas eu beaucoup de passerelles. Sur ce qu'était véritablement la radio, à quoi servait une radio, quel type d'outils, je veux dire, on voulait mettre en place et quelles choses on voulait développer à l'intérieur de cette radio et autres. Ah, voilà, non, ça n'a pas existé. Ce qui explique d'ailleurs que ça a clashé à un moment donné, quoi, parce que c'est vrai que tu vois vite, t'arrives vite si tu veux, et là, c'est vraiment de la responsabilité du CSA, c'est-à-dire que de mettre les choses sous cette forme-là implique à un moment ou à un autre que ça explose. Bon, il se trouve que par chance, Les gens qui étaient sur Radio Tomate, si tu veux, étaient véritablement déterminés pour avoir un outil de radio. Ça, c'est clair et net. Je pense que la détermination, elle a fait le reste. La capacité également, ce que je disais tout à l'heure, si tu veux aller trouver des relais pour aller plus loin et ainsi de suite et pouvoir continuer, ça, c'est ce que les moyens que tu vas te donner. Mais je crois qu'au départ, si tu veux, la détermination des collectifs qui étaient à l'intérieur, elle était totale. Et donc, il n'était pas question, je veux dire, de laisser tomber un outil comme une radio comme ça, quoi, sans se battre. Sur Radio Tomate, il y avait des militants qui étaient là comme vraiment militants des médias en tant que tels. Des gens, par exemple, qui sont arrivés après sur FPP, mais je voulais savoir s'ils étaient là avant comme Yvan Jossen ou Jacques Sonsin, qui étaient engagés soit dans les syndicats de radio libre, soit dans les pieds dans le PAF. Jacques Sonsin, il a fait partie, si tu veux, des gens qui ont permis... à un moment ou à un autre, que Fréquence Paris Pluriel prenne la dimension qu'elle a eue. Alors, c'est lui, il y en a d'autres, hein, je veux dire, il n'y a pas que lui, hein, il y a eu d'autres gens aussi. Mais lui, il a fait partie, en effet, de ces gens qui ont permis, je veux dire, que le projet Fréquence Paris Pluriel prenne une dimension qui soit un peu différente. Il était président de la Fédération Nationale des Radios Libres, et la Fédération Nationale des Radios Libres n'avait pas de radio sur Paris, par exemple, à l'époque. Donc, si tu veux, ça a été une espèce d'accord... parce qu'il y avait une visibilité, et là, parce qu'il y avait une concordance sur le projet, sur ce qu'était Fréquence Paris Pluriel, sur ce que devait être, en tout cas, parce que ça n'existait pas encore, si tu veux, Fréquence Paris Pluriel, et ainsi de suite, et la Fédération Nationale des Radios Libres. Il y a une espèce de concordance, d'accord, qui s'est passé, et Jacques est toujours là, donc visiblement, ça n'a pas l'air de lui déplaire plus que ça. Et c'est vrai que, si tu veux, ça a été la force des collectifs d'aller chercher à l'extérieur des relais, des soutiens qui fassent que cette radio-là et ce projet qui a été porté par ces collectifs-là puissent prendre vie et ait une véritable dimension. Mmh. Voilà, oui, il y a eu ces gens-là. Ils étaient là quand Fréquence Paris Pluriel existe. On peut parler aussi de Félix Guattari qui a soutenu aussi. C'est non, mais la première Tomate. Enfin, voilà. Parce que là, on parle de Fréquence Paris Pluriel, mais elle nous demande par rapport à Tomate, il y avait des gens qui étaient là avant. Sur la première mouture, en effet, bah, voilà. Ouais, Félix Guattari, c'était... Puis bien évidemment, il y a tout le comité de parrainage, tout ça, mais ça, on va pas... Plus que même, si tu veux, plus que ça, puisqu'il était... il a été un de ceux qui ont pensé, si tu veux, l'idée d'une radio associative sous cette forme-là, en tout cas. Il a fait partie des gens qui, au départ, si tu veux, ont pensé la radio sous cette forme-là. Qui était... tu vois, t'avais tout dans le mouvement autonome. T'avais des gens qui étaient plus sur ça, t'avais des gens qui étaient plus sur... Oui, les médias, part. L'expression des mouvements... T'avais plein de choses, si tu veux. Et c'est vrai que Félix Guattari, oui, il a fait partie de ça, mais... D'accord. Et tant mieux. Et quand la décision est prise pour Radio Tomate d'évoluer vers un autre projet qui prendra le nom de FPP, est-ce que... Enfin, quelle est l'idée, en fait Tu veux que je te dise le premier mot? Ouf. Putain, qu'est-ce qu'on en a chié. C'est vrai. Voilà. Bah, alors, oui, bien sûr. Vous voulez transformer tu, comment, en fait, non, la radio? Non, on voulait, si tu veux, simplement... Imagine un peu, je veux dire, t'es sur une demi-fréquence. Tu appartiens à une entité de 4 radios sur une demi-fréquence. Donc, ça fait un quart d'une demi-fréquence, ce qui n'est pas beaucoup. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec une fréquence entière. Tu vois, donc... Déjà, ton projet, d'abord tu fais ouf, vraiment quoi. Et ensuite, ton projet, il prend une dimension qui avait rien à voir avec ce qui pouvait exister avant, qui pouvait pas ressembler. Vois, le premier texte où on en parle ouvertement, là je retrouve un petit peu le texte, c'était fait le 24 juillet 1992, où on annonce pourquoi justement on va soutenir Fréquence Paris Pluriel, et on dit « Bonjour, depuis un an, Radio Tomate se bat pour défendre son existence sur la bande FM, d'où elle était exclue arbitrairement par certains de ses partenaires de l'Union Nucresse sur 106.7. Bon, cette mesure de censure annoncée provisoire apparaît aujourd'hui comme définitive, bien que se situant hors du cadre statutaire de l'Union Nucresse. Donc nous refusons cette logique qui voit les volontés hégémoniques d'individus assoiffés de pouvoir empêcher l'émergence d'un média réellement associatif. Dans le contexte de redéfinition du plan de fréquence parisien que le CSA désignera à partir de septembre 92 et pour les 5 années à venir, Radio Tomate se devait d'être partie prenante d'un projet respectant les spécificités de ses émissions. Après concertation, le projet de Fréquence Paris Pluriel nous apparaît comme le plus apte à garantir la stabilité et la transparence nécessaires au développement d'une radio associative. C'est pourquoi nous appelons à soutenir sans réserve ce projet. Voilà. Donc effectivement, dans le projet, enfin, tous les animateurs de Radio Tomate qui était à l'époque, donc pour l'instant sans antenne, a retrouvé dans le projet de FPP cette envie de continuer sur un média associatif. Et donc je crois qu'il y a vraiment, tout le monde a suivi, toutes les émissions ont suivi, et sans problème, on est passé de Tomate à FPP, en ayant cette fois-ci la radio 24 heures sur 24 pendant toute la semaine. C'était pas gagné d'avance. Mais justement, ça a dû être un quelque chose quoi, au niveau de l'organisation. Ouais, bah oui. Là, on a commencé à faire les commissions programmation culture, sociale, communautaire. Il a fallu organiser les choses. Il a fallu organiser les choses. Ça te bouffe un temps. Je veux dire, gérer une radio, gérer des émissions, mais même gérer des émissions, ça prend du temps. C'est énorme, quoi. C'est énorme, oui. Ah, ouais. Non, puis on est passé à une grosse structure tout d'un coup, surtout avec plein d'heures d'antenne à remplir, entre guillemets. C'est-à-dire plein de gens à contacter, plein de gens à briefer, leur dire comment ça fonctionne. En fait, Radio Tomate, les 5 émissions de Radio Tomate qu'il y avait, ça représentait à chaque fois un des secteurs qu'il y a aujourd'hui sur FPP. Tout à fait. Quasiment. Ouais. Il n'y avait pas d'émission communautaire. Ça, c'est un secteur qui s'est créé après, de fréquences libres sur le projet. Parce qu'il n'y a pas de spécificité. Tout le monde était. Enfin, je veux dire, il n'y a pas particulièrement d'émissions communautaires. Mm-hmm. Quand on a quitté Radio Tomate pour venir sur Fréquence Paris Pluriel, on avait donc quand même une émission d'orchestral limite chômage précarité. On n'avait jamais le dimanche, c'était du cinéma. Construit la musique rock. Parloir libre, c'était prison justice. Double peine, c'était l'immigration, les exclusions. On avait réflexe et le scalp contre l'extrême droite. On avait après, on avait le comité des mal logés. On avait le Act Up. Tu vois, donc il y a déjà toutes ces émissions étaient là en fin de Tomate. Ah, ça, c'est la fin ça, de c'était Tomate. D'accord. Les gens de Tomate, toutes ces émissions-là faisaient partie de Tomate. Ah, donc Tomate, donc, ça avait quand même bien grossi. Donc on est parti à 5, mais en 2 ans, on est arrivé à une dizaine d'émissions. Plus plein d'émissions qui étaient ponctuelles, c'est-à-dire mensuelles souvent, qui alternaient historique, philosophique, poésie, etc. Et puis tous les mouvements de lutte, quoi. Mais effectivement, on a réussi à étoffer. En 2 ans, c'était assez extraordinaire. Et toutes ces émissions, après, se sont retrouvées sur la grille de FPP. Et quand tu regardes les premières grilles de FPP, ou quoi, la structure, elle est toujours là. Elle est toujours là, effectivement. D'un côté, il y a toutes les luttes sociales. De l'autre côté, tout ce qui est le développement de la création culturelle, autre que celle qui nous est obligatoirement proposée sur les autres antennes. Et le projet est toujours là, oui. Ouais. Alors là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de radios qui ont réussi à monter une radio aussi bien que la nôtre avec si peu de moyens. Parce que là, c'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup de récupérations. Là, les réseaux, si tu veux. Là, les réseaux ont fonctionné. Oui, mais les réseaux fonctionnent. On a récupéré des micros, C'est un bon relais parce qu'en effet, quand tu es dans la merde, ça te permet quand même de récupérer du matériel pour pouvoir faire tourner une radio. Ça permet, je veux dire, de faire tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est la différence, si tu veux, entre une personne qui vient faire une émission parce qu'elle trouve que son émission, elle est super, si tu veux, et puis des gens qui, au départ, de par leur histoire, de par l'histoire même de cette radio-là, si tu veux, de la manière dont elle s'est construite, avaient en plus de leur émission, si tu veux, envie qu'il y ait un outil qui soit différent, qui existe, et qui puisse être un relais, si tu veux, de choses que tu n'entendais pas ailleurs. Et ça, c'était clair dans la tête des gens, si tu veux. Les gens, quand ils se sont bougés sur ce projet de radio-là, c'était clair que ça, c'était presque la dynamique. C'était un échange. Tu avais des collectifs qui fonctionnaient, si tu veux, qui se battaient sur des terrains. Et puis, il y avait cette espèce de relais de haut-parleurs qui était la radio, qui continuait, je veux dire, et qui était essentiel également pour eux. Donc c'est à la fois avoir un outil, si tu veux, qui soit un relais, et en même temps, pour ces collectifs très très particuliers, d'avoir un outil très particulier pour eux également, tu vois, de pouvoir être le relais de ce qu'eux pouvaient faire. Parce que c'est plus facile quand, par exemple, tu bosses sur les prisons, d'avoir une émission régulièrement, ce qui permet aux gens à l'intérieur de t'entendre, de t'écouter, de retransmettre également, je veux dire, ce qui se passe, parce que c'est vraiment... Le plus total. Et les prisons, c'est assez symptomatique, si tu veux, parce que justement, c'est des endroits de non-droit. C'est des endroits de non-droit où, en effet, l'administration et l'État ont la mainmise sur tout ce qui se passe dans la vie des individus. Et donc, pouvoir faire sortir ça à l'extérieur pour voir à un moment ou à un autre donner la parole, lire des lettres quant à des mutineries, il faut voir un peu ce qui se passe, je veux dire, la manière, je veux dire, dont les gens sont massacrés, je veux dire, à l'intérieur des prisons, sans que rien n'apparaisse nulle part. Une émission comme Parloir Libre, si tu veux, c'était essentiel. Et c'est pour ça que c'était tellement important de se battre aussi, parce que quand on nous coupait l'antenne, on coupait l'antenne peut-être effectivement de l'animateur qui avait son émission, mais c'était tous les détenus, c'était toutes les familles de détenus, c'est tout le monde qui écoute cette émission particulière, tu vois, qui est, et en plus des autres émissions. Mais je veux dire, ça atteint des gens beaucoup plus qu'une petite équipe d'animateurs. Ça veut dire que dès que tu touches à la radio, tu touches à tout un pan quand même de la société, quoi. Je veux dire, c'est pas que l'association, c'est tous les gens que ça représente derrière. Et là, c'est une attaque qui est directe. Quand t'as plus d'antenne, là, il n'y a plus de paroles qui passent. Donc, quelles que soient les conditions, nous, on a toujours maintenu l'antenne. Quel que soit le... Ça, c'était le plus important. Mmh. Mais quand on parle, effectivement, on arrivait à travailler en collectif au niveau de Tomate, etc. On a quand même fait des belles initiatives aussi au niveau de Fréquence Paris Pluriel. Quand on voit, par exemple, tout ce qui a pu être fait autour du comité de soutien de Moumia Abou Jamal, le concert de soutien, l'argent qu'on a pu envoyer aux États-Unis, les échanges qu'il y a eu, etc., les rencontres qui ont pu être faites directes avec lui. Là, c'était une action collective de FPP. Donc là, ça allait bien aussi bien l'émission de la double peine que de Constroy, que de Parloir Libre, etc. Les gens ont su travailler ensemble et savent travailler ensemble. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. Enfin, je pense. Ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est ça qui doit rester, parce que si une radio associative doit rester debout, il faut qu'elle soit cohérente. Il faut que les gens, ils se rendent compte qu'ils sont pas dans un endroit de consommation et de musique et d'antenne, etc. Et que c'est un outil à défendre et ensemble, on le défend, quoi. Ça, je pense que c'est ça qui est primordial. Là, si tu fonctionnes que sur du bénévolat, ce qui fait toute la différence d'ailleurs avec les radios commerciales, c'est que là, tu n'as pas d'argent, je veux dire, pour payer les gens. Donc automatiquement, on fonctionne pour beaucoup par du bénévolat. Donc, faut faire avec. C'est pour ça que je pense que la structure que les radios associatives doivent avoir, elle doit être complètement différente, si tu veux, de ce que tu peux retrouver sur les radios commerciales, parce que de toute manière, tu n'auras jamais les mêmes moyens, si tu veux, que sur les radios commerciales. Il faut faire vivre une spécificité et avoir ses propres références et ses propres modes de fonctionnement. Il faut construire ça. Ça, c'est des choses que tu dois construire. Quand tu as un outil comme une radio, c'est des choses que tu dois mettre en place, sans forcément, si tu veux, aller calquer sur le système commercial tel qu'il existe, parce que tu n'auras jamais les moyens, de toute manière, de concurrencer ces gens-là sur leur propre terrain. Par contre, toi, tu peux apporter énormément de choses. Et eux, ils ont été en effet pompés, comme on le disait tout à l'heure. Ils ont été pompés, si tu veux, dans le monde des radios associatives, ce qui pouvait les intéresser. Donc nous, faut continuer. Je pense que c'est des choses, si tu veux, il faut garder toujours en tête ce pourquoi tu fais de la radio. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un outil ou une radio telle qu'elle existe aujourd'hui? Et puis à partir de là, si tu veux mettre en place tes échelons, tes étapes, c'est toujours plus difficile, c'est toujours plus galère, mais c'est souvent plus marrant et beaucoup plus riche. L'intempestive s'est terminée pour aujourd'hui. C'était donc Marie-Odile et Eric qui nous parlaient de l'histoire de la deuxième Radio Tomate et des débuts de Fréquence Paris Pluriel. Si vous souhaitez jeter une oreille du côté des émissions qu'on a évoquées au cours de cette heure, vous pouvez écouter L'Envolée, donc ex-Parloir Libre, tous les vendredis à 19h et Constroy tous les dimanches à 18h. L'intempestive, quant à elle, sera rediffusée toujours sur FPP, toujours sur 106.3, lundi à 11h et restera ensuite disponible en ligne sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociale officiellement reconnue et recommandée.